tasse de porcelaine qui traînait dans un musée. Étrangler un tueur avec un fil de pelle sans qu'il ait pu avoir peur. J'attends pour déguster une pièce montée géante d'un maillage inconnu.